Dialogue au marché aux fleurs. Écoutez. As-tu pensé au bouquet pour Madeleine? Oh non, j'ai complètement oublié. Nous ne pouvons pourtant pas arriver les mains vides. Nous ne sommes pas très pressés. Arrêtons-nous au marché aux fleurs. C'est à peu près sur notre chemin. Que prenons-nous? Un bouquet, un pot de fleurs ou une plante verte? Les fleurs coupées se fanent vite. On n'en profite pas beaucoup. Alors une plante verte? Personnellement, je préfère une belle plante fleurie. Répétez. As-tu pensé au bouquet pour Madeleine? Oh non, j'ai complètement oublié. Nous ne pouvons pourtant pas arriver les mains vides. Nous ne sommes pas très pressés. Arrêtons-nous au marché aux fleurs. C'est à peu près sur notre chemin. Que prenons-nous? Un bouquet, un pot de fleurs ou une plante verte? Les fleurs coupées se fanent vite. On n'en profite pas beaucoup. Alors une plante verte? Personnellement, je préfère une belle plante fleurie.